passé un très bel après-midi sur la première. C'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Hissam Sartaoui est né à Saint-Jean-d'Acre en 1934. Cette semaine, l'art de l'échange. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Médecin. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Chef de guerre. Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous fedayim. C'est pourquoi maintenant, nous sommes sûrs de la victoire. Mai 1975, Sartaoui obtient d'être officiellement mandaté par le comité central du Fatah. C'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant « Non, non, pas du tout, c'est pas lui. » Janvier 1982, Sartaoui accorde une interview au quotidien Le Monde dans laquelle il reproche à l'OLP d'avoir encouragé la victoire de Begin en ruinant la crédibilité du mouvement pacifiste israélien. Homme de paix. Je me rappelais que le premier ministre israélien Menachem Begin a accordé un mois aux Palestiniens pour qu'ils se retirent de Beyrouth. Alors si les Palestiniens refusent, vous pensez que les troupes israéliennes vont entrer dans Beyrouth? J'ai l'impression que mon gouvernement a l'intention de liquider la direction actuelle palestinienne. Début avril 1983, à Albufeira, au Portugal, doit avoir lieu la réunion de l'Internationale socialiste. Sartaoui décide de s'y rendre. Monsieur Sartaoui était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. Monsieur Sartaoui a été abattu presque à bout portant et un autre membre de la délégation de l'OLP a été lui blessé assez sérieusement aux jambes. Hissam Sartaoui. Cette semaine, nous nous intéresserons donc à cet ancien combattant palestinien assassiné en avril 1983, et ceci grâce à deux travaux. Le premier, du journaliste Pierre Bell, ancien correspondant régional pour l'agence France-Presse à Beyrouth dans les années 80, jusqu'au drame de Sabra et Shatila, qui écrira, après l'avoir rencontré à plusieurs reprises, un portrait d'Hissam Sartaoui. Le second, de l'auteur-réalisateur Didier Martini, qui s'est inspiré de ce travail dans le but d'en faire un film de fiction. Ce projet, pour le moment encore non abouti, nous est apparu digne d'être porté à votre connaissance. Il vous est raconté par son auteur, Didier Martini. Hissam Sartaoui est né à Saint-Jean-d'Acre en 1934. Chassé par la première guerre israélo-arabe en 1948, Hissam Sartaoui et sa famille se réfugient en Irak. À Bagdad, il poursuit ses études, entre à l'université de médecine et s'intéresse à la politique. Impressionné par la personnalité de Gamal Abdel Nasser et les thèses qu'il avance, le jeune Hissam devient un panarabiste convaincu. Il connaît les prisons irakiennes, mais termine néanmoins ses études en médecine en 1960. Puis il saisit l'opportunité de se rendre aux États-Unis, où il devient un chirurgien éminent, l'un des plus fameux spécialistes des maladies cardiovasculaires. Il mettra notamment au point un système ingénieux de pontage qui porte son nom. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Promis à une brillante carrière américaine, cet homme de conviction va ressentir la défaite arabe comme une blessure et une humiliation. Elle lui fait prendre conscience du sort tragique du peuple palestinien, son peuple. Les Palestiniens prennent la mesure de la catastrophe, choisir entre l'exil et l'occupation. La direction de l'OLP décide de durcir la lutte et lance l'idée de guérilla populaire. Qui les aide, qui les arme, les hommes d'Al Fatah sont très discrets sur ce point. Mitraillettes et pistolets mitrailleurs sont soit russes, soit chinois. Al Fatah se proclame organisation révolutionnaire. À ses yeux, la monarchie jordanienne demeure coupable d'avoir, voici 20 ans, profité du dépeçage de la Palestine. Est-ce que les objectifs du Fatah sont des objectifs militaires ou militaires et politiques? Tout mouvement comme le nôtre a deux aspects. Un aspect militaire, dont le but est de servir l'aspect politique. Vous êtes un mouvement révolutionnaire, alors quel est votre modèle? Cuba, l'Algérie, la Chine ou l'Union soviétique? Nous ne nous alignons sur aucun mouvement révolutionnaire étranger, mais nous nous appuyons sur ces mouvements pour mener notre action. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous, Fedayin. C'est pourquoi maintenant, nous sommes sûrs de la victoire. Hissam Sartawi rejoint les rangs du Fatah et participe en mars 1968 à la bataille de Karameh, première vraie bataille avec les Israéliens, dans laquelle 300 fédaïnes ont tenu tête à une armée. Alors nous sommes ici dans le village de Karameh. Ici, il y a eu la bataille de 15 heures, depuis 5 heures le matin jusqu'à 9h, 9h30 le soir. C'était quand ça ? C'était le 21 mars. C'est Israël qui a attaqué ? Bien sûr, ils attaquaient les civils ici sous prétexte qu'il y a des fédaïnes, des commandos. Alors il n'y avait que l'armée régulière ici. Alors ils ont bombardé avec les avions, les tanks, les chars, les mortiers. Et comme vous voyez, il n'y a pas une maison qui est debout. Toutes les maisons sont par terre. Il y a eu des victimes ? Il y a eu beaucoup de victimes civiles. La ville est donc complètement abandonnée ? Et la ville est complètement abandonnée. Comme vous voyez, il n'y a personne, absolument personne de ces villes. Et c'est une ville très riche, très fertile. Il y a les bananes, les orangers, les citrons. Maintenant, tout abandonné. Ça représentait à peu près combien d'habitants, Karameh ? À peu près entre 40 et 45 000 personnes. Sartawi se lance dans l'action armée. Il ne partage pas les vues régionalistes de l'organisation et décide de créer son propre mouvement, l'OALP, Organisation de l'Action pour la Libération de la Palestine. Possédant sa propre formation de commando, au début ils ne sont que 17, il mène ses hommes sur le terrain, traversant le Jourdain de nuit, pour aller affronter les patrouilles israéliennes. Très vite, son groupe atteint, au début de 1969, quelques centaines d'hommes. Yasser Arafat, terroriste ou homme d'État ? Selon le regard que l'on pose sur lui, selon la façon dont on juge l'action de la résistance palestinienne, c'est avec irritation ou satisfaction, mais sans indifférence, qu'on verra demain le leader de l'OLP monter à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Quoi qu'il en soit, pour la résistance palestinienne, ce sera une victoire politique essentielle 10 ans après sa création. Fondée en 1964, l'OLP commence à jouer un rôle effectif après la défaite arabe de 1967. Yasser Arafat en prend la direction et assigne à l'organisation 3 objectifs politiques essentiels. Premièrement, redonner aux réfugiés palestiniens une conscience politique nationale. Deuxièmement, obtenir que les régimes arabes reconnaissent l'OLP comme représentante du peuple palestinien. Troisièmement, obtenir cette reconnaissance de la part de l'ensemble de la communauté internationale. Tout d'abord donc, mobilisation politique, psychologique et militaire des réfugiés palestiniens. C'est l'époque où, pour redécouvrir leur identité, les Palestiniens tentent de s'assumer sur le plan politique, social et culturel. C'est l'époque où, dans les camps, on voit se multiplier les hôpitaux, les écoles et les ateliers d'artisanat. Mais c'est l'époque aussi où de jeunes fédaïnes, mobilisés par l'OLP et déçus par l'inertie des régimes arabes, se lancent dans des actions meurtrières. Alors que le Fatah mène des opérations à caractère principalement militaire, d'autres groupes plus radicaux s'orientent vers des actions spectaculaires. Il s'agit de frapper les intérêts israéliens partout dans le monde. Les détournements d'avions vont commencer. Dans un premier temps, le groupe d'Issam Sartawi va explorer lui aussi cette voie. Parmi de nombreuses opérations, dont plusieurs lui valent d'être blessées, l'une des plus audacieuses de l'OALP est l'attaque lancée le 10 février 1970 à Munich contre un avion d'El Al en partance pour Londres, dans lequel se trouverait Moshe Dayan. En fait, il ne s'agit que de son fils de 24 ans. Dans la confusion qui suit cette erreur de cible, un fédaïn est tué et 13 personnes sont blessées. Parmi ceux-ci, l'actrice israélienne Hannah Meron, qui perdra une jambe. Le mouvement de Sartawi publie alors un communiqué dans lequel il révèle que l'attentat est dû à cette confusion et qu'il offre une somme de 10 000 livres sterling pour indemniser les victimes. Le docteur Sartawi précise, depuis Amman, qu'il ne s'agit que d'une première tranche et que son organisation remboursera tous les frais médicaux. Cette attitude étonnante témoigne du souci de Sartawi pour la vie des civils en général. Par la suite, le groupe renoncera à ce genre d'opération. Les principales organisations de fédaïnes siègent au sein de l'OLP, qui tentent de concilier leurs divergences tactiques et idéologiques, qui tentent de donner un contenu constant à des actions parfois désordonnées. Au fil des années, l'OLP atteignait son premier objectif, toute une population dispersée se retrouvait de plus en plus solidaire de la résistance. Encore fallait-il que les régimes arabes soient également solidaires de l'OLP. Au début, cela ne fut pas chose facile. Les régimes arabes traditionnels se méfiaient de la résistance palestinienne, redoutaient son programme révolutionnaire et condamnaient ses opérations de commando. Parfois, la tension conduisait à l'affrontement entre armées régulières et résistants palestiniens. Ce fut le cas en Jordanie en 1970 ou au Liban en 1973. 1970 est une année terrible pour les Palestiniens. C'est celle de Septembre Noir, où ils affrontent dans une lutte fratricide militaires jordaniens et fédayines de l'OLP. Se sentant menacés par la présence de plus en plus prégnante des groupes armés palestiniens, le roi Hussein décide d'en finir et donne l'ordre à son armée d'intervenir. Au terme d'une bataille acharnée, l'offensive victorieuse du pouvoir hachémite conduira à l'éviction des combattants palestiniens du territoire jordanien, où l'OLP perd d'un seul coup toutes ses bases. Prenant la mesure des luttes intestines qui déchirent l'unité des Palestiniens, Sartaoui s'interroge sur l'opportunité de continuer à mener son action en dehors du Fatah. Sartaoui convainc les hommes de son groupe de rejoindre le Fatah, où il a du reste gardé à titre personnel de bonnes relations avec certains dirigeants, comme Abu Mazen, Mahmoud Abbas, avec qui il multiplie les petits pas qui vont contribuer à consolider le dialogue. Il prend la direction du département des affaires nationales et internationales de l'OLP, chargé notamment des relations avec Israël. Pendant ces années de lutte sur le terrain, je n'avais même pas le temps de lire un journal, de réfléchir aux motivations profondes du combat. J'avais soif de lire, et surtout de me documenter sur Israël et les Juifs, que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur le champ de bataille et qui avaient excité ma curiosité. Quand on se bat avec des gens, qu'on le veuille ou non, on commence à les identifier comme des partenaires antithétiques. Et dans la logique dialectique, l'antithèse doit déboucher sur la synthèse. Il entreprend alors un vaste programme de lecture en anglais et en arabe. Il devient très vite un connaisseur de la société israélienne, avec sa liberté, ses faiblesses, ses blocages. C'est ainsi qu'il s'intéresse à l'existence d'une opposition interne au gouvernement israélien, les Juifs séfarades. Lorsque j'ai réalisé que la majorité de la population d'Israël était composée de Juifs venus des pays arabes, cela a suscité en moi une grande curiosité intellectuelle. Il va s'intéresser à l'histoire des Juifs irakiens et plus précisément aux circonstances de leur départ massif en janvier 1951. Quand je découvre que les Juifs arabes sont aussi des victimes, j'en suis tout étonné. Pour un réfugié palestinien, se rendre compte qu'il n'est pas seul à être victime du projet sioniste, c'est une révélation. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'Abou Mazen, de son côté, était arrivé à la même conclusion. Ensemble, nous avons décidé de leur venir en aide. La découverte de l'existence de juifs non-sionistes ou anti-sionistes les amène à tenter d'organiser la contre-émigration, faire changer d'avis les juifs originaires du monde arabe installés en Israël en les faisant revenir dans leur pays d'origine. Il réussit à obtenir du Maroc, du Yémen, du Soudan et de l'Irak le droit au retour de leurs citoyens juifs ayant émigré vers Israël. Conjointement à cette mission, il mène une intense activité diplomatique auprès des capitales arabes et africaines afin d'isoler Israël. Si on est encore loin de l'idée de dialogue, c'est une période qui traduit une évolution sans précédent. On ne saute pas du tir à tuer au dialogue. Il faut une transition. Pour moi, c'était une transition critique et cruciale. Mais c'est ainsi que la première révolution s'est produite, en nous intéressant aux droits des Juifs originaires des pays arabes. Partisan de la création d'un État palestinien dans les territoires occupés, Issam Sartaoui se joint à Saïd Hamami et à Abou Mazen. C'est ainsi que naît l'embryon d'une équipe qui, en 1972-1973, sera reconnue, sinon officiellement par l'OLP, du moins par son chef, Yasser Arafat. Sartaoui avait quelque chose de militaire. Et dans ce quelque chose de militaire, il était d'abord un homme loyal. En tant qu'homme loyal, il n'a jamais devant moi critiqué son chef. Et quelque part, je trouve ça admirable parce que d'un autre côté, je comprenais par certains de ses propos désabusés qu'il se sentait un peu trahi, mais il voulait pas critiquer le chef, et ça c'est très bien. Mais je me souviens que vers la fin, enfin les dernières semaines avant qu'il aille au congrès de l'Internationale Socialiste à Mufera, il me disait qu'il était menacé, et je lui demandais mais c'est qui, c'est Abou Nidal ou c'est le Mossad? Il me disait mais c'est pareil, ils travaillent ensemble, donc de toute façon le résultat est le même, ça m'est parfaitement égal. Et donc il savait aussi qu'il avait perdu la protection officielle de l'OLP. Mais sa critique, elle s'arrêtait là. Il se permettait pas de dire que le chef avait tort dans la stratégie. En plus, il serait sorti de son rôle et il avait quand même, étant en avant-garde, il avait quand même une très grande liberté d'action. Jusqu'ici, les quelques rencontres ou contacts qui s'étaient établis entre Israéliens et Palestiniens concernaient soit des pacifistes, soit des personnes liées par une idéologie commune. Par exemple, en Israël, le parti Raqqa, communiste et anti-sioniste, entretenait des relations avec des progressistes palestiniens. Or, pour qu'un dialogue soit crédible, il fallait l'émergence d'une nouvelle catégorie d'interlocuteurs. Hiver 1974, Cabo Negro, nord du Maroc. C'est dans une maison battue par les vents, face à une plage déserte, que Sartaoui rencontre pour la première fois les dirigeants d'une organisation de juifs marocains appelée Identité et Dialogue. Je venais de créer avec quelques amis, 3 ans auparavant, un groupe qui s'appelait Identité et Dialogue. André Azoulay. Qui, à ma connaissance, a été le premier groupe d'intellectuels juifs d'origine séfarade, d'origine arabe, d'origine orientale, à avoir appelé à la création d'un État palestinien. Sans ambiguïté, sans la moindre nuance quant à l'absolue nécessité à la fois politique, morale, éthique, de donner au peuple palestinien la possibilité de recouvrer sa souveraineté, une partie de sa terre, et tous les droits auxquels l'État d'Israël avait prétendu, avait obtenu. Et je me souviens que l'une des premières esquisses que j'avais proposées à mes amis d'Identité et Dialogue était à la fois simple, mais à l'époque quasi révolutionnaire, c'était de dire que le juif que j'étais ne pouvait pas continuer à rester juif tant que le peuple palestinien était privé à la fois de sa dignité, de sa justice à laquelle il devait et pouvait prétendre, de sa souveraineté, de son identité, de sa mémoire, de son histoire. Aujourd'hui, tout ceci apparaît à la fois banal, ordinaire et évident. Au milieu des années 70, c'était le crime absolu. Et je me souviens qu'à l'époque, partant de ces quelques principes moraux que je viens d'évoquer, mon organisation avait demandé à faire partie du Conseil représentatif des institutions juives en France, le CRIF. Le président à l'époque était un homme qui ensuite a été un homme très engagé pour l'État palestinien. Mais à l'époque, pour vous dire simplement quel était le climat, j'ai été le seul en tant que responsable d'une organisation juive, à être contraint à jurer sur la Torah que j'étais un bon juif, malgré le fait que j'appelais à la création de cet État et que j'avais dit, sans avoir à le cacher, sans vouloir le cacher, que j'étais en contact avec l'Organisation de Libération de la Palestine. Crime absolu à l'époque. Mais le président, il est encore vivant, qui s'appelait Théo Klein, qui a beaucoup évolué par la suite, m'a fait jurer que j'étais quand même un bon juif. Pour vous dire que ce combat que nous avions choisi n'était pas un combat simple. Il était d'autant moins simple que nous n'étions pas, comme beaucoup d'autres personnalités juives engagées dans la même direction, mais qui étaient encore plus militants que je ne l'étais. C'était des activistes. Ils manifestaient. Ils étaient peut-être plus radicaux que je ne l'étais. Mais nous étions encore plus suspects à l'égard de l'établissement juif que nous étions partis de l'establishment, justement. Et là, c'était évidemment une autre affaire. Pour poursuivre ce combat, donc je suis allé avec quelques amis voir Pierre Mendès France pour lui demander très simplement sa caution. Ça paraît bizarre, mais j'avais besoin que le président Pierre Mendès France nous écoute, nous comprenne et bénisse notre action, simplement en nous disant « Oui, le juif que je suis, moi, Pierre Mendès France, je comprends votre démarche et elle est légitime. » Et c'est ce qui s'est passé dès notre première réunion. Et le président Pierre Mendès France nous a écoutés, nous étions trois, nous a revus, nous a dit que nous allions beaucoup plus loin que ce que lui-même, à l'époque, pensait et voulait, mais il nous a encouragés à continuer. À l'époque, personne, et aujourd'hui encore, ne pouvait soupçonner l'engagement de Pierre Mendès France aux côtés de l'État d'Israël, s'agissant de sa sérénité, s'agissant de sa sécurité, s'agissant de sa légitimité. Et nous disions au président Pierre Mendès France, cette légitimité n'existe pas tant que l'État palestinien n'a pas sa chance et ne s'installe pas justement à côté de l'État d'Israël, peut-être pour conforter cette légitimité. Mai 1975, Sartaoui obtient d'être officiellement mandaté par le comité central du Fatah. Désormais, il va chercher à établir un dialogue avec des Israéliens sionistes, ceux-là même qu'il avait toujours combattus. Cette même année, voit naître en Israël le Conseil israélien pour la paix israélo-palestinienne. Il ne s'agit pas de négocier, mais de savoir comment Israéliens et Palestiniens pourraient se reconnaître et parvenir à la paix. Dans le même temps, en Europe, des hommes soucieux d'œuvrer pour le rapprochement des deux peuples vont favoriser le dialogue. Henri Curiel, plus tard Pierre Mendès France et le chancelier autrichien Bruno Kreisky apporteront un soutien précieux à Sartaoui. Pierre Bell, expliquez-nous cette incroyable diversité des contacts et cet éventail des gens qui soutiennent, vont adhérer, puisqu'on passe d'un Henri Curiel à un chancelier Kreisky en Autriche et Pierre Mendès France, et il y en a certainement beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là arrive à convaincre, à emballer? C'est d'abord lié à sa personnalité? Il a été, oui, certainement, parce qu'il a été quelque part un élément déclenchant. Je veux dire qu'à l'époque, on est quand même en pleine guerre froide. Donc il y a des mouvements anti-impérialistes qui soutiennent les causes comme la cause palestinienne, etc. Donc il y a les communistes d'un certain côté. Il y a l'URSS de l'autre, mais ça n'est pas toujours convergent. Et on verra notamment que Henri Curiel, un des fondateurs du mouvement communiste égyptien, en réalité ne va pas du tout dans le sens de l'URSS, dans son soutien à Sartaoui. Ça, c'est son combat autonome. Donc il y a les mouvements progressistes, entre guillemets, le mouvement pour la paix, les mouvements communistes. Et puis il y a, alors ça a totalement disparu du paysage et c'est dommage, il y a l'Internationale socialiste qui à l'époque était quelque chose de très important, avec Kreisky, avec le chancelier Brandt, avec des grandes figures de tous les partis socialistes européens qui à l'époque existaient. L'Internationale socialiste a joué un rôle très important, de même que le Congrès juif mondial avec Naum Goldman. Donc il y a une convergence de gens qui entendaient ne pas renoncer à faire quelque chose pour, non pas les Palestiniens, mais pour la paix au Proche-Orient, y compris au profit d'Israël. Donc c'était, ça n'a jamais été contre Israël, c'était pour la paix entre Israël et la Palestine. Il y a eu à la fois convergence de mouvements, donc j'ai parlé d'école de pensée, les communistes, les socialistes, des intellectuels de gauche, mais il y a aussi des individus. Donc je parlais de Maxime Guilan, qui était un écrivain et journaliste, qui était arrivé en Israël en 47-48, qui avait fait la guerre d'indépendance, et puis qui avait découvert ce que c'était que l'occupation des territoires et qui avait pris parti pour les Palestiniens. Il s'est exilé. Maxime Guilan a lancé une activité étonnante de réseau auprès des médias du monde entier. Il a créé INP, Israel and Palestine, qui était un mensuel, si je me souviens bien, qui a duré des années et qui faisait tout seul dans son petit bureau à Paris, semi-clandestin. Maxime a été lui aussi un médiateur parce qu'il connaissait tout le monde, toutes les organisations de gauche, tous les intellectuels israéliens, mais aussi les Palestiniens. Je voudrais citer aussi André Azoulay, l'homme le plus discret, mais qui était à la fois banquier à Paris et conseiller du roi du Maroc au Maroc. Il a beaucoup fait, à titre individuel, pour justement défendre cette cause et pour rapprocher des gens. Et puis il y en a d'autres que je ne peux pas citer parce qu'ils ne le souhaitaient pas, mais on a parlé d'Henri Curiel. Henri Curiel, il y avait un entourage, dont certaines personnes qui m'ont aidé et qui n'ont jamais voulu être citées parce que il y avait des vieilles habitudes de clandestinité qu'ils ont conservées. Et donc, comment dire, Sartaoui a réussi à capter la confiance simultanément de toutes ces personnes et à les fédérer. J'ajoute quand même que pour l'aider dans ce travail fédérateur, il y a eu des personnalités exceptionnelles. Donc, un peu comme André Azoulay, il y a eu Ida Bourdet, la femme de Claude Bourdet, qui était une passionnariat. Et évidemment, Claude Bourdet lui-même était très engagé, mais Ida était très engagée. Et la femme de Pierre Mendès-France, Marie-Claire Mendès-France, qui a continué à se mobiliser après la mort de Pierre Mendès-France. Donc, il y a eu des individus. Et tout ça, grâce au fait que Sartaoui inspirait confiance. Parce que il correspondait pas au cliché du terroriste palestinien mal rasé. C'était un type qui était toujours impeccable, propre sur lui, qui portait chemise et cravate, qui venait des États-Unis. Enfin, il était atypique, mais il rassurait. Et donc, on savait que c'était un chef de guerre, mais il avait un côté rassurant, et on savait qu'il était totalement désintéressé. Demain, la suite de ce rappel biographique que nous suivons grâce aux travaux de Pierre Bell, raconté par Didier Martini. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker, Frédéric Pfiffer, Thierry Châtel et la voix de Mathias Urban. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.